tu l'as pas acheté, mais il dit tu t'es pas mis au 100% de toi-même. Tu n'as pas fait ce que tu avais à faire. Parce que tu as impliqué ton rationnel là-dedans. Tu es arrivé, tu te dis, ça va te dire. Alors que tu savais fort bien que c'était pas ici que tu le sentais, mais c'était là. Hein? Quand je te l'ai dit, je ne te l'ai pas dit dans le centre du désir. Tu ne désirais pas, là, donc. Parce que tu as besoin de travailler. Tu ne le désirais pas vraiment. Tu savais que tu avais à faire ça. Tu avais juste à l'acheter. Ouais, mais tu l'auras-tu payé, moi, le char? J'ai dit, pour moi. C'est ce qu'il dit. Il dit, si tu l'as pris le tour, il dit, ça va passer inaperçu. Étant donné que c'était le temps de l'action, ça sera payé comme s'il y avait rien du loto. Ça aurait travaillé, c'est sûr, mais ça n'aurait fait aucun problème pour l'avoir. C'était le temps de l'avoir. Mais c'est-tu vrai, ça, ce qu'il disait? Oui. J'ai continué après, j'étais plus loin. Ouais. Là, je n'ai pas acheté pareil. Ah. Ben, je me suis continué à dire, ouais, c'est ça, on a travaillé très bon. C'est arrivé après, c'est arrivé plus loin, évidemment. Il s'est représenté d'autres occasions après où ça devait se vérifier, cette affaire-là. Savoir si vraiment je devais suivre ou ne pas suivre son métier. Dans le fond, il y avait mon jeu là-dedans. Mon jeu qui veut toujours avoir son opinion à mettre là-dedans. Hein, puis marcher par ses désirs. Fait qu'il y a eu d'autres occasions dans le sens que ça lui fait de s'enlever du job. C'est entrepreneur général, fait que c'est facile de toutes les semaines de te remettre tout le temps en question avec chaque nouveau contrat. Fait que là, il dit, tu dois arrêter de travailler avec un tel. Tu comprends? Évidemment, j'ose pas parce qu'avec lui, c'est une sécurité, la bébelle. Fait qu'encore une fois, ça implique encore toute l'organisation de toi-même. Hein, c'est bien matériel. Les problèmes, c'est jamais des affaires dans l'esprit. Puis l'autre, évidemment, ça crée des problèmes dans l'esprit, mais c'est dans la matière que dans la vie. Il dit lâche un tel. Mais en fait, dans le désir, je tiens pas à le lâcher, parce que la sécurité, comme on dit, oui, il me fait savoir, je peux en avoir, les deux quand même. Mais si je le suis, je le sais que c'est ce que j'ai à faire. Je le sens en dedans, étant donné que c'est la même vibration qui est ressentie, mais non désirée dans le sens du désir. Du jeu, là, avec son ancien rationnel, si je pense comme il faut, je ne suis même pas faire ça, parce que ça risque de faire des trucs. Alors que quand arrive le moment de l'action, c'est simple. Tu te dis, ah, ça c'est le moment de l'action. Que tu sois ici ou que tu sois prêt à faire, quand c'est le temps, sans que c'est le temps. C'est le temps, c'est le temps. Mais on se bloque trop souvent parce qu'on y réfléchit trop, qu'on ne sait pas justement cette intuition-là qui nous dit. Ouais, mais il y a deux aspects là-dedans. Tu sais, il y a deux aspects là-dedans. Nous autres, quand on se conscientise, on est obligé d'apprendre qu'eux autres existent. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, il faut apprendre qu'ils n'existent pas. On apprend qu'ils existent, fait que là, c'est entre eux autres, puis nous autres, puis eux autres, puis nous autres, bah, OK. Mais nous autres, eux autres, ils nous mettent dans la merde tout le temps. Tout le temps, ils nous mettent dans la merde. Sais-tu quand est-ce qu'ils nous mettent plus dans la merde? Quand on sait qu'ils existent, ben on s'en occupe plus. Là, ce que je veux dire, c'est que quand tu sais qu'ils existent, tu t'en occupes plus, c'est parce que ton corps mental, ton intelligence est ajusté à leurs vibrations. Fait qu'à ce moment-là, tu n'as plus besoin de leur demander parce que déjà tu le sais. C'est ça ou si c'est pas ça. Si tu le dis, tu ne crois pas. Parce qu'ils existent à créer des tensions. Ouais, si tu passes par eux autres pour checker, ça vaut rien. Pas le voir. Ouais. Mais si tu le sens en dedans, il faut que tu agisses par exemple. Si toi tu le veux. Ouais. Si tu le veux, tu vas agir anyway. Ouais. Pas le sens en dedans. Non, si tu l'agis par ton corps de désir, tu veux toujours quelque chose. À ce moment-là, tu veux toujours t'embarquer, travailler toujours tout le temps, tu sais. Tu peux travailler, mais tu peux pas travailler si fort que ça, tu as payé ça. Toujours en contrainte tout le temps, tu sais. Si tu les écoutes eux autres, c'est sûr qu'ils t'embarquent, tu sais. Ils t'embarquent tout le temps pour toutes sortes d'affaires. Mais il vient un temps où tu veux plus les écouter, OK? Parce que de toute façon... Tu commences, tu les écoutes. Eux autres, si tu les écoutes, ils vont te faire passer des tests. Je vous la donne, la marche, comment est-ce que ça marche, là. Ça va tout répondre à vos questions. Tu les écoutes, ils vont te faire passer des tests. Éventuellement, tu vas venir t'en maudit parce qu'ils te font passer des tests. Ils vont te faire mettre en dette. Éventuellement, t'es là dans le cul. T'es écoute plus, mais la connexion est faite. Fait que tout ce que tu fais, c'est correct. C'est ça l'affaire. Fait qu'il faut que les gens arrivent à un point d'arrêter de les écouter, faire leur affaire comme ils faisaient avant le contact,

Mais c'est quand on a passé par le tordeur qu'on comprend la game. C'est prépersonnel, l'intelligence. C'est un de l'énergie. Puis quand on comprendra que dans l'intelligence, il y a un de l'énergie, qu'il n'y a pas de personnalité, à ce moment-là, ben, on descend l'énergie ici, puis on s'en sert pour nous autres. Pas pour eux autres. Mais si le stock des tracts de char, c'est de sortir des tracts, tu viens faire la fusion avec le stock. Quand t'es dans la fusion, Charlie, t'as fait sauter les tracts puis le char. Tiens. C'est ma quand t'es dans la fusion, t'es intelligent en maudit.